Ok. Garcimore, où es-tu? Reviens! Reviens, Garcimore. Ah, Garcimore, revenez. Tu fais, Garcimore? C'est pas un bon tour de cartes. Je crois que j'ai pas trop bien compris. Il faut recommencer parce que cette fois ça marche pas très bien. Ah, ça marche pas. Je suis désolé. Normalement, j'ai appuyé sur la touche Start, ça marche comme il faut. Mais là, j'ai pas compris. Ça marche pas le tour de cartes. Allez, Guitar Hero, allez. Avant que j'aille manger. J'entends la... C'est quoi ce son là? Oui, normalement le synthé c'est la guitare.